Audiomatique. amorcer la transmission 5-6-5 d'Audiomatic. Les sonoristes ont choisi de vous présenter la formation japonaise Anoise de son album Into the Shadows qui est paru en 2015. Nous écoutions la pièce Invasion. Audiomatic se poursuit maintenant avec le groupe montréalais Wolf Parade. Thank you. C'était à Audiomatic le duo californien Bittersweet de son album Baby is Back, sorti le 25 avril 2025. Nous vous avons présenté la chanson Lover's Waltz. Tout juste avant, nous avions droit au groupe canadien Holy Fuck de son mini-album Bird Brains qui est sorti en 2017. Nous écoutions la chanson Chains. Et pour débuter ce bloc musical, il s'agissait de la formation montréalaise Wolf Parade, de son cinquième album Thin Mind, lancé en 2020. Nous avons diffusé la chanson Fall into the Future. Et maintenant, c'est au tour du groupe américain The Flaming Lips d'assurer la continuité à Audiomatic. 512. Can't take your call right now, so do leave a message, your phone number, and your time of call, because I do want to get back in touch with you. Thanks for calling. À Audiomatic, nous vous présentions le groupe américain The Flaming Lips de son troisième album Telepathic Surgery, lancé en 1989. Nous vous avons offert la pièce Hell's Angels Cracker Factory. En conclusion de cette transmission 5-6-5 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre le groupe montréalais Esmerine. De son album Lost Voices, paru en 2015, nous entendrons la pièce Funambule, deux pas de Sorin. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomaticcfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc Esmerine avec la pièce Funambule, deux pas de Sorin. C'était Audiomatic avec les sonoristes.